À l'occasion du mois de lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, l'association d'amitié Bulgarie-Corée a fait paraître un bulletin. Le bulletin présente en détail qu'avec l'ambition de dominer toute la Corée, les États-Unis ont provoqué la guerre contre notre République en mobilisant de pléthorées forces militaires d'agression et que la puissance des impérialistes américains est démythifiée complètement dans la guerre de libération de la patrie de 3 ans.